comme c'est bizarre, on ne s'est pas vu depuis au moins 10 ans. Oh oui, 10 années, et comment dire, tu as beaucoup changé. Enfin, on pourrait plutôt dire que tu t'es transformé. Je me souviens, un temps, on ne te regardait pas, et toi, effacé, tu regardais autour de toi. Maintenant, c'est du passé, comment dire, tu as tellement changé. Maintenant que je te retrouve, je regrette tout ce que j'ai pu dire. Tu sais bien que je ne pensais pas tout ce que j'ai pu t'écrire. Allez, on oublie et on repart comme si de rien n'était après 10 ans. Le temps, c'est le temps et tu le sais. Il y a 10 ans, je n'étais pas ce que je suis maintenant. Avec toi, je ne suis plus le même. On ne me regarde pas de la même façon. Tu es tellement belle et je crois que je t'aime. Comment peux-tu en douter? C'est vrai qu'avant j'étais distant, que je ne répondais pas tout le temps à tes appels, à tes lettres. Mais c'est différent car aujourd'hui, maintenant, je ne suis pas comme avant.